Et un nouveau canap métal, cette fois pour le mois d'avril 2025. Et aujourd'hui, on est avec Michael de Noiser et de Aver. Salut Mika, salut. Merci d'être là. Oui, salut. Et on est toujours avec Lucie. Salut. Donc on va revenir un peu sur... on va démarrer direct. On parlera un peu plus de toi, Mika, tout à l'heure. Ouais, je sais, beaucoup de responsabilités. Voilà, mais on va démarrer direct un peu par les petites news de ce mois-ci. Alors, ça a été un petit peu moins riche que le mois dernier. Il a fallu que je galère un petit peu à trouver. Ouais. Mais au final, je pense que ça nous fait des petits sujets qui vont ouvrir à débat, qui devraient bien te plaire. Je sais que tu aimes le débat. J'aime le débat, passionnément. Alors, le premier sujet que je voudrais qu'on aborde, c'est la façon dont sont vendues les places de concert, notamment aux États-Unis. Chose qui arrive aussi progressivement en Angleterre et dans d'autres pays, qui est en fait un système de vente avec des prix qui peuvent être fluctuants au fur et à mesure de la vente, en fonction du nombre de personnes qui peuvent être en file d'attente. Et de la même façon, aux États-Unis, la revente de passes, enfin de places de concert ou de passes de festival avec des plus-values est quelque chose de légal. Donc on peut très bien acheter son pass 1 000 € et le revendre 3 000 si on est un bon négociant. Et c'est des choses que on voit, enfin qui sont devenues carrément courantes là-bas, qu'on voit arriver en Angleterre et notamment je pense à l'ultime date de Black Sabbath qui arrive bientôt. C'est une vente qui s'est fait sur le même système, donc en fait les places sont montées à 600-700 € pour dire au revoir à Ozzy. Voilà, ça fait mal, ça n'a aucun sens. Et en fait, alors actuellement c'est quelque chose qui est interdit en France, mais on peut se demander s'il n'y a pas un risque un jour. Déjà, je vais te lancer un peu, toi Mika, parce que c'est plus de la moitié de ton temps, c'est ton corps de métier quand même, c'est le concert, c'est produire des concerts. Comment toi tu vois ce phénomène américain? Déjà, vu comme tu as réagi, tu as trouvé ça un peu scandaleux immédiatement. Ouais, mais parce que nous, on n'est pas du tout habitués à cette mécanique-là. Donc, c'est toujours choquant, ne serait-ce que de savoir qu'il y a des places qui peuvent se vendre 600, 700 et au-delà, c'est toujours un peu choquant. Après, moi, je me suis pas beaucoup renseigné sur ces histoires de prix des places aux États-Unis. Je sais que en moyenne, c'est beaucoup plus cher. Mm-hmm. Je sais que le prix est évolutif, effectivement. Plus on arrive à la fin de la jauge, et plus elles sont chères. Donc je sais ces trucs-là, mais ça paraît tellement un autre monde que, il faudrait vraiment que certaines grosses entités ici récupèrent le monopole. On pense à Ticketmaster évidemment, mais récupèrent vraiment un monopole de billetterie pour pouvoir imposer ce système-là et qu'après derrière il y ait des actionnaires à rémunérer, ce genre de choses, qui est d'autres choses qui rentrent dans l'économie pure du prix du ticket. Pour qu'on commence à voir ça ici, mais c'est un truc, ça me paraît lointain et mystérieux, même si je sais que ça existe, tu vois, mais... Alors, aujourd'hui, en France, je crois savoir qu'en fait, c'est tout bonnement illégal, en fait, d'avoir en termes de loi, tu vois, au-delà de Ticketmaster qui aurait le pouvoir de faire ce qu'il veut, quoi. Mais je me rappelle même que avant que les sites de revente de places arrivent, genre The Pass et compagnie, où du coup tu ne peux pas vendre la place de concert plus cher. Avant ces sites-là, tu pouvais bien revendre tes places de concert ce que tu voulais, et c'est un phénomène qui existait, quoi. Même s'il n'y avait pas les phénomènes de revente internet massive, etc. Ouais. Mais avant, c'était pas encadré, quoi. Donc tu pouvais bien revendre ta place de concert ce que tu voulais, c'est surtout si c'était complet. Oui. Mais maintenant, nous, on a ces systèmes de The Pass et de sites en ligne qui font que tu ne peux pas monter le prix de la place. Oui. Pour combien de temps? Voilà. Je ne sais pas. Ça, c'est pareil. Enfin, là, on va prendre l'exemple du Hellfest parce que c'est quasiment eux qui subissent le plus ces histoires en France de spéculation sur les places. Ils font la guerre depuis plusieurs années au marché noir et notamment à un ou deux sites, notamment via Gogo, qui eux en fait n'ont aucune limite dessus. Mais pour le coup, c'est des sites étrangers aussi, c'est pas des sites français. Après, c'est ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de payer deux ou trois fois le prix d'une place de concert pour y assister, y être. C'est ça aussi qui est dingue, quoi. Donc, tant qu'il y a de la demande, il y a toujours moyen de revendre les trucs pour le prix de ce qu'ils ne le valent pas, finalement. C'est un exemple hors métal, mais comment elle s'appelle, la pop star américaine, Taylor Swift. Oui, Taylor Swift. Les Américains prenaient des billets pour venir en Europe, parce que ouais. c'était moins cher de faire le voyage, de venir en Europe. Que de la voir aux États-Unis. Parce que ça a atteint des prix totalement délirants. Alors bon, c'est un exemple de d'une superstar. Oui, c'est voilà. La plus grosse actuellement. Ouais. C'est ça. Mais on se dit quand même, c'est violent, quoi. Ouais, carrément. Et je me rappelle avoir regardé quand Deftones tournait avec Gojira, là, il y a 3-4 ans, là. Mm-hmm. J'avais regardé les prix des places pour je ne sais plus quelle raison. Parce que quelqu'un m'avait dit, ça commence à 300 balles. Et ça commençait à 300 balles. Il fallait débourser $300 pour aller voir Deftones et Gojira. Oui. Et c'est derrière, en plus, ça alors bouge. Alors que là-bas, quoi qu'il arrive, pour ce genre de date, c'est toujours plus cher qu'ici, en plus, ouais. Quoi qu'il arrive. Quoi. Ouais, alors qu'en plus, ils tournent à la maison. Tu vois, les frais sont quand même... Bien sûr. OK, les États-Unis, c'est bien plus grand, mais après, ils tournent à la maison. Oui. Mais après, je suis désolé, moi, je ne suis pas le plus... Non, mais c'est... Je ne suis pas le plus compétent pour parler de ce truc-là, mais... Je sais qu'il y a beaucoup de groupes privés aux États-Unis qui ont des intérêts dans les places de concert, etc. Donc il y a un système de rémunération, de dividendes, des trucs-là. Ça, c'est un truc. Ici, ça doit exister avec les énormes boîtes, les Drew et tout ça, évidemment. Mais les économies de concert telles qu'on les connaît, nous, qui sont plutôt moyennes, voire petites, le prix du ticket, il est fonction des coûts de la soirée. Des coûts de la soirée ou des coûts de l'organisateur, peut-être lissés sur l'année, tu vois. Mais c'est pas du tout... Ça, le prix des places a un sens, quoi. Et il a un sens qu'on, nous, par exemple, pour Noizer, on peut expliquer très simplement, mais plein d'autres promoteurs ou organisateurs nationaux peuvent expliquer le prix des places très concrètement avec un tableau, des lignes, et c'est comme ça qu'on le fixe, quoi. Et il n'y a pas de ligne mystère qui consiste à dire là, tu vois, plus il y aura des gens, plus ils vont raquer, plus on va se payer des vacances aux Bahamas ou ce genre de truc. Ça marche pas du tout comme ça, quoi. Donc ça paraît délirant de te dire que pour aller voir Deftones et Gojira, il faut $300 minimum, quoi. Oui. Parce que ce n'est pas ce que ça coûte en vrai, tu vois. Oui, et puis au-delà de ça, en France, tu te retrouves à... Alors, tu verras rarement les deux tourner en même temps, mais comme on a nos billets pour retourner voir Gojira à Toulouse, c'est quoi? C'est 60 euros. C'est 60 euros la place en fosse, au Zénith. Ouais. Et même Deftones, tu en auras pour 60, 70, mais tu payeras jamais, tu payeras jamais 300 euros de place. Ouais. Après, bon, voilà, la manière dont fonctionnent les manifestations culturelles en France, elle a que peu de choses à voir avec la manière dont ça fonctionne aux États-Unis, évidemment. Donc, c'est pas vraiment comparable, en fait. Ouais. Mais par contre, le fait que ce soit inquiétant et qu'on se demande si ça va finir par arriver ici, ouais, c'est bien légitime. Ouais. C'est bien légitime parce que le phénomène, en plus, ici, enfin, le phénomène que les artistes gagnent moins d'argent avec les disques, les royalties, etc., il est mondial, quoi qu'il arrive. Donc, à un moment, il faut qu'ils prennent l'argent là où ils doivent le prendre. Et concrètement, c'est en jouant, quoi. En jouant, en tournant. Et. Il y a certains artistes qui ont peu d'occasions dans l'année de rentrer réellement de l'argent en quantité importante, parce que les royalties et tout ça, c'est lissé sur une année. Donc un artiste qui marche très bien, c'est un flow continu, mais c'est jamais aussi gros que quand il se lance dans 30 ou 40 dates d'affilée, où là, effectivement, il y a moyen de faire une vraie plus-value sur sa musique. Quoi. Ouais, c'est là où il y a peut-être aussi un axe qui peut impacter un peu, pas directement, justement, par des prix fluctuants en France, mais... Pour compenser, il y a quand même eu une grosse augmentation récemment des prix des tournées, surtout des grosses têtes d'affiches. Il y a quelques années, tu voyais les mêmes groupes pour 20, 30 euros moins cher. Ouais, clairement. Tu vois, depuis le Covid, ça a beaucoup changé. Est-ce que les groupes, est-ce que les tourneurs vont pas compenser le fait de ne pas pouvoir faire fluctuer les prix chez nous mais en mettant la barre toujours plus haut? Et tant que les gens continuent à venir, on va continuer à faire monter les prix. Mais probablement. Je pense qu'on... Enfin, ça ne s'arrêtera pas. Il n'y a jamais rien qui s'arrête. Il n'y a rien qui est devenu prohibitif. Je veux dire, les gens trouveront toujours un moyen d'acheter des places. Et c'est triste à dire, mais quand même, il faut faire un crédit, comme pour acheter un téléphone. Les gens feront des crédits pour aller voir les places, pour aller voir les concerts, quoi. Si jamais on doit en arriver à des extrêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ouais. On ne verra jamais la manifestation, les fréquentations des salles baisser à cause du prix du billet, quoi. Sur les petits et les moyens, les têtes d'affiche. Lucie, toi qui es plutôt tête, pardon, je te coupe. Ouais, mais Lucie, t'es plutôt encore très tête d'affiche, toi. Non, mais dans l'ensemble, t'aimes beaucoup de groupes qui sont quand même très gros. Oui. Là, tout de suite, j'ai de suite en tête Bring Me The Horizon, par exemple. t'aurais peut-être tendance à freiner à partir d'un certain prix quand même pour aller voir des très gros groupes. Même oui, si tu as très envie de les voir. Ça veut dire que tu deviens de plus en plus sélectif sur ce que tu vas aller regarder. Oui, mais dans ton sélectif, ça se fera toujours aux dépens des moyens et des petits. Exactement. Ça se fera jamais aux dépens du groupe. C'est parce ça. Que tu vas avoir tendance à penser, comme beaucoup de gens, que le spectacle va être incroyable. Donc tu préfères te payer 1, 2, 3 concerts par an et garder cela. C'est pour ça que je te dis que les gens ne cesseront jamais d'aller voir les groupes parce que le prix du ticket est plus cher, tu vois. Ouais, c'est forcément, ce sera les petits qui seront impactés parce que tu n'as plus le budget pour exactement, aller les voir exactement. À côté. Donc, enfin, genre, je me rappelle quand j'ai été voir Metallica, de mon intention à moi, je ne les ai vus qu'une seule fois. J'ai payé la place 200 francs, ce qui fait 30 euros. Aujourd'hui c'est 200 euros et il y avait beaucoup moins de monde que maintenant quoi. Et là, voilà, le prix de la place a été multiplié par 10 quoi. Et pourtant les gens continuent d'y aller, donc il y a bien cette histoire de les salaires n'ont pas été multipliés par 10 je pense en 20 ans, tu vois, et les gens iront toujours, donc ce sera pas, et quand tu vois qu'effectivement des gens vont mettre 600-700 euros pour aller voir Black Sabbath, c'est, enfin, il n'y a pas de problème, ça marchera toujours, ça, les gros, ça marchera toujours, aucun souci là-dessus quoi. Ouais. Et là, c'est tant mieux, je sais pas, je sais que les coûts de production, évidemment, pour une date de Madonna ou quoi, c'est pas les mêmes que pour une date de Doppler ou je sais pas quoi, tu vois, mais c'est aussi ça, quoi. Mais, et les coûts de production, eux, ne font qu'augmenter aussi, quoi, ne serait-ce que l'énergie, tu vois, l'essence, l'électricité, ouais, c'est un truc incroyable, quoi. Payer un tourbus déjà tous les jours sur une tournée, c'est déjà un poste de dépense assez hallucinant, sans même parler de l'essence, donc oui, il est normal que ça fasse qu'augmenter. Et quand tu commences à rajouter des camions entiers de matériel, exactement. Ben c'est, là, ça devient carrément... les frais, c'est absolument débile. Quoi. Des fois, il faudrait qu'on puisse avoir accès à, tu vois, genre une tournée de Rammstein, quoi, voir toutes les lignes comptables. Franchement, je signe de suite. C'était quoi? C'était une centaine de semis. Une centaine de semis, je crois, pour leur tournée. Ah oui, quand même. Mais ils avaient deux scènes. Une qui allait se monter le jour d'après, pendant que l'autre jouait, en fait. D'accord. Et ça, double prod, ouais. Ne serait-ce que ça. Et puis, j'ai vu des images, mais. Oui, bah, il leur fallait plus de 20 heures pour monter l'ensemble de la scène. C'était un délire. C'est très impressionnant. Un délire à la Rammstein, quoi. Ouais, c'est complètement démesuré. Oui, bah, surtout actuellement où on dit qu'il faut faire des économies, il faut arrêter de polluer. C'est difficilement compréhensible ou justifiable, ou je sais pas, il n'y a pas de. C'est difficile, quoi, de comprendre, mais bon. Ça fait le plein, donc en même temps. Oui, bah c'est ça, les gens, ils ont besoin, envie. Mais après, est-ce que c'est parce qu'ils ont besoin, envie qu'il faut leur donner? Je ne sais pas, vaste débat. Je sais pas. Et du coup, bah, pour compléter un peu ce débat, tu vois, toujours autour du prix d'un peu tout et de la place de concert en général, j'ai vu passer sur, donc sur les réseaux la semaine dernière via Dagoba, donc groupe français un petit peu connu aussi. En fait, ils ont, pour la première fois de leur carrière, ils étaient sur une date au Sismic, qui est à Aix-en-Provence, si je dis pas de bêtises. Ça te parle pas? Non, du tout. Ok, je l'ai pas noté. Bon, ils étaient en date la semaine dernière, et en fait, ils ont appris qu'ils auraient une taxe de merch dans la salle qui s'élevait à 150 euros. Donc c'est une taxe fixe. Ouais, ils payaient 150 euros. Ils étaient 150 euros pour pouvoir vendre leur merch. Quand ils ont de la chance comparé à d'autres. C'est en fait c'est aussi sur ça que j'allais rebondir, c'est que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus par les salles, en fait, d'imposer des droits de merch donc aux artistes. Donc c'est tout le temps la tête d'affiche qui est chargée comme ça. Donc soit avec une somme fixe, soit avec carrément un pourcentage sur ce qu'ils vendent. Ouais. Et là, bah, ça peut. Ah oui, bah, le pourcentage sur, sur un groupe qui va vendre des tonnes de t-shirts parce que t'as des fans très très actifs, ça peut représenter beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai pas réussi à retrouver le nom, mais il y a un groupe comme ça, un peu tête d'affiche, mais dans le black metal ou le death, donc un truc comme. Tête d'affiche mais confidentielle, tu vois, un peu, qui il y a quelques années, comme pour combattre ce phénomène, vendaient leur merch au cul du camion sur le parking devant la salle, tu vois. Enfin, mais alors Dagoba, au final, après avoir discuté avec le Sismic, tout ça, ils ont réussi à trouver un accord et finalement ils n'ont pas payé cette taxe. Enfin, tout est bien qui finit bien pour eux. Ils l'ont très bien relayé sur leur réseau, c'était intéressant à lire. Mais en fait, ça met en lumière, je trouve, une situation aussi globale autour des salles qui prennent de la thune comme ça, ouais, ouais. des fois peut-être aussi un peu pour vivre tout simplement, pour continuer à vivre tout simplement, mais ouais, mais ça peut pas se faire voilà. Sur le dos d'un artiste, quoi, c'est pas possible. Bah, c'est surtout que là, Dagoba a expliqué que pour payer cette taxe-là, en fait, ils étaient soit obligés d'augmenter le coût du merch qu'ils allaient vendre aux fans qui viennent les voir, ou alors à en avoir de leur poche, quoi. Ouais. C'est toujours l'équilibre, et à la fin, c'est toujours le fan qui traîne. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas de. Enfin, ce truc-là, ça n'a pas de sens, quoi. Il n'y a pas de raison pour lesquelles la salle devrait prendre de l'argent sur du merch qui est payé par l'artiste ou sa production. Mm-hmm. Et c'est acheté par les fans, donc les gens qui donnent de l'argent à l'artiste ou à la production. Parce que le merch, il a été payé en amont avant d'être vendu. Oui. Tu vois. Donc d'abord, il faut qu'il soit remboursé, ensuite, il faut qu'il apporte de l'argent aux gens qui ont investi dans ce merch. Quoi. La salle, elle intervient pas là-dedans, quoi. À part qu'elle donne l'occasion et un espace pour vendre. Mais c'est pareil, c'est une espèce de logique où tu récupères l'argent là où tu dois le récupérer, mm-hmm. soit parce que tu es en difficulté, soit parce que tu l'es pas, et juste parce qu'en tapant de l'argent un peu partout, au final, c'est ce qui fait que tu finis par en gagner. Et c'est un peu le principe de gagner de l'argent, finalement. Mm-hmm. Mais c'est pas un cas isolé, ça se fait de plus en plus. Ouais, y a beaucoup. C'est juste que là, en fait, ils l'ont très bien documenté sur leurs réseaux sociaux. Ouais, ouais. Donc je trouvais ça facile à aller récupérer les infos et à comprendre, parce que souvent, on en entend parler, mais tu as peu de détails, tu vois, sur comment ça s'est passé. Oui, bah, voilà. Oui. Et est-ce que Dagoba explique si la salle leur a proposé quelqu'un pour vendre le merch ou pas? Parce que souvent, il y a ça aussi. Alors, c'est pas dit. Des fois, ce qu'ils te disent, c'est qu'ils te proposent quelqu'un, un merch seller, et ça existe sur les grosses tournées. Ça se fait, sur les grosses tournées, c'est jamais. C'est pas souvent quelqu'un qui vient avec l'artiste qui vend le merch. C'est une boîte extérieure qui s'occupe entièrement du merch, de toute la logistique, des commandes, de la livraison, qui vient, qui vend, etc. Et il est normal que sur ce service, il gagne un pourcentage, puisque c'est comme ça qu'il se rémunère. Mmh. Et donc, dans le cadre de Dagoba, je ne connais pas l'histoire de Dagoba, mais je sais que dans d'autres cas, c'était parce que la salle proposait de mettre quelqu'un à dispo de l'artiste pour vendre le merch. Mmh. Et cette personne, à la fin de la soirée, elle allait toucher 200 balles, 300 balles. Et ça correspondait à, oui, un frais fixe ou un pourcentage. Oui. Mais cette personne, en amont, il faut qu'elle compte les t-shirts quand ils arrivent, tout le merch. Donc, il y a un inventaire à faire. C'est très, très long. Il faut refaire un inventaire à la fin. Et tout ça, c'est du boulot. Donc, ça, c'est aussi des moments où les mecs peuvent trouver ça un peu scandaleux et vouloir faire du réseau social en disant ils ont demandé des thunes. Mais il y a un service qui est proposé derrière, quoi. Alors, je ne dis pas que c'est bien, pas bien, c'est un autre débat. Mmh. Mais par contre, c'est sûr que oui, une salle qui te dira juste vous allez vendre ce que vous voulez et à la fin, vous nous donnez un pourcentage, c'est à l'heure actuelle, c'est impossible à justifier, ni à tolérer, ni à accepter. C'est pas possible, quoi. Bah, c'est surtout, encore une fois, toi, en tant que programmateur de concert, vous avez quand même. Vous la payez, la salle. Ah ben oui. Voilà, donc en fait, la rémunération de la salle, elle est déjà faite. Et surtout, la salle, elle se rémunère aussi beaucoup sur le bar. Quoi. Le bar, il n'y a personne qui prend l'argent dessus. Quoi. Nous, avec Nico, Nico le dit beaucoup et il a bien raison là-dessus. Si on prenait un pourcentage du bar, les concerts, ça va, ils seraient assurés, il n'y a pas de souci, il n'y aurait pas de problème. Quoi. Mais on n'a jamais pris un euro ni un centime sur le bar d'aucune salle. Donc la salle, elle se rémunère comme ça. Après, il y a encore un autre débat, mais c'est vaste. C'est que si la salle ouvrir ses portes, accueillir des groupes, les faire jouer, etc., ça ne permet pas de payer le coût de fonctionnement de la salle, il y a un problème et il faut se poser des questions. Quoi. Et je sais qu'il y a plein d'endroits où il y a ce problème-là et il faut se poser des questions, mais tu vois, ça repousse la question beaucoup plus loin à ce moment-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une salle de spectacle et de mettre des artistes dedans, tu vois, et c'est sans fin un peu le truc. Quoi. Parce qu'il y a plein de salles qui se justifient comme ça en disant, mais tu sais, nous, ouvrir la salle et vous permettre d'organiser un concert, ça ne nous permet pas de payer les frais. Quoi. Et là, quand tu te fais entendre ça, ne le faites pas, sinon pas à nous de supporter ce truc-là, tu vois. Et encore moins un artiste qui vient et qui a effectivement mis de l'argent dans son merch, et au final, il va donner de l'argent, ça n'a pas de sens. À l'heure actuelle, vu comme ça, ça n'a pas de sens, quoi. Mais nous, ça nous est arrivé il y a longtemps avec un tout petit groupe en allant jouer à Paris. La salle nous a dit clairement, si vous sortez votre merch, on prend 15% dessus, quoi. Et c'était il y a 15 ans, tu vois, un truc comme ça. Donc, comme les autres, on a dit aux gens, si vous voulez du merch, on le vend dehors après, on se verra, et ils ne pouvaient rien dire. Mais ça a toujours existé, il y a toujours des salles qui ont tenté de prendre de l'argent comme ça. Quoi. Oui. Et même des salles toulousaines qui ont essayé de le faire, une salle toulousaine notamment. Donc je ne citerai pas le nom. On n'est pas là pour ça. Non, ouais. T'inquiète. Et après, tu parlais du bar, c'est intéressant. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas négocier. Enfin, vous, en tant que... Qu'organisateur, vous ne pouvez pas négocier. Bien sûr que non. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que l'argent, il vient de là, concrètement. Donc, faire croquer les gens, les autres, ça ne les intéresse pas et c'est bien normal. Ouais. Ensuite, il y a des régies extérieures, des fois, c'est-à-dire que les gens qui s'occupent du bar, ce n'est pas du tout les mêmes personnes qui travaillent pour la salle, à la prog, à l'admin et tout ça. Des fois, c'est des entités indépendantes. Des fois, c'est des postes de. C'est des rentrées d'argent, c'est vraiment séparé sur les bilans. Donc, c'est vraiment. Il y a aussi ces raisons-là qui font qu'il n'y a pas. Enfin, ouais. C'est très complexe, quoi. Mais bon, clairement, les salles de spectacle, c'est comme ça que rentre l'argent beaucoup aussi, quoi. Quand ce n'est pas des prods internes. Et que c'est des organisateurs extérieurs comme nous, le bar, c'est le sanctuaire, quoi. Ouais. Surtout avec les concerts de métal. Mmh. Oui. Ça marche bien. Oui, ça marche très, très bien. Ouais. C'est pour ça que, souvent, on se dit qu'il faudrait... On sait que la solution pour nous, pour plein de choses, ce serait d'avoir notre propre salle, parce qu'effectivement, le bar rentrerait dans l'économie du concert elle-même, quoi. Ouais. Et là, effectivement, c'est plus très compliqué de tenter des choses avec des groupes qui ne vont pas ramener grand monde, mais au moins, on sait qu'avec le bar, ça épongera les frais. Il y a plein de choses à faire avec ça, mais pour l'instant, non, on ne peut pas... Personne ne nous a proposé de prendre une partie du bar. Ouais, non. Je comprends, mais bah pour en revenir un peu au merch, ça fait, enfin, on voit aussi un merch qui, encore une fois, explose en termes de prix. Oui. Bah Lucie, tu hoches la tête, t'as fait quand même récemment... Je trouve que ça a vachement augmenté. Ah, on l'a tous constaté, ouais. C'était qui que... Tu, c'était pas... j'ai perdu le nom. À Architecte. Lyon. Architecte, oui. Ouais. Que t'as vu les prix, c'était raisonnable par rapport à d'autres, mais quand même, déjà, quand on a 45 euros un t-shirt, ça commence à faire un peu... C'est un prix quasi... C'est le prix normal en ce moment, ouais, ça. Ouais, voilà. Alors qu'il y a quand même quelques temps, c'était pas aussi... C'était pas le sweet, toi, que tu avais vu, qui était à 80-90, un truc comme ça. Ouais. Mais ça vient compenser aussi les pertes qu'il y a eu pendant le Covid, les dates en moins, les tournées, tout ça, et surtout la non-rémunération des plateformes de streaming. Tout est là, au bout d'un moment, Mastodon l'avait déjà dit il y a une dizaine d'années, les t-shirts, on va finir par les vendre de 100 balles parce que l'argent ne rentre plus avec les albums. Donc c'est à un moment, il y a ce... c'est pareil, on va pas faire ce débat là maintenant, mais ne plus donner d'argent aux artistes à travers les plateformes de streaming, c'est... Enfin, c'est cool pour tout le monde d'avoir un abonnement à 10 balles pour écouter un milliard d'artistes qui l'écoutera jamais. Mais c'est pas comme ça qu'on rémunère les artistes du tout, quoi. Donc quand après, tu arrives au merch, le t-shirt il est à 40 balles et c'est pas cool, se poser la question aussi. De pourquoi on en est arrivé là. Ah, mais c'est... c'est un global de... Ah oui, ouais, c'est justement, tu vois, là, j'ai fait exprès de mettre le doigt sur deux choses un peu différentes, mais liées sur... justement, ces augmentations de prix d'un peu tout le monde du spectacle. Mais oui, il y a une question très globale à se poser au niveau de la gestion de ce qu'est un artiste, de comment on le paye et comment ça va tourner dans les années à venir. Oui, parce qu'en fait, on a l'impression que si tu es très gros, ça va aller. Et si tu es moyen, c'est peut-être là que tu es encore plus dans la merde que si tu es tout petit. Absolument, absolument. Oui, parce qu'en étant moyen, tu as certaines attentes et tu as certains équilibres qui sont très fragiles. Et ceux-là, tu vas lutter très fort pour les maintenir ou te maintenir un peu à flot, quoi. Effectivement, si tu es tout petit et que tu n'as pas décidé d'en faire ton métier ou que ce n'est pas ta rémunération, tu ne te poses pas ce genre de questions, quoi. Et quand tu es très gros, il y a déjà tellement de gens qui s'occupent de travailler là-dessus pour toi que ça va rouler, quoi. Quand t'as pas il suffit juste d'être visible à chaque fois qu'on te le demande et puis ça va rouler. Mais... Ouais, c'est... Après, ça n'a jamais été très simple de faire de la musique et d'en produire et tout ça, mais là, c'est épique en ce moment. Oui. C'est vraiment épique. Oui, mais à l'heure où, en plus, on n'a jamais eu autant accès justement à la musique de tout le monde. Bien sûr. Donc, en plus, tout le monde, enfin, ça fait. On en parlait avec je ne sais plus quel groupe récemment, en interview, mais il disait ça n'a jamais été aussi facile de. Faire connaître ta musique, mais ça n'a jamais été aussi dur d'intéresser les gens, de percer. Bien sûr, mais ça va parce qu'en fait, devant ensemble, de toute façon. Voilà. Parce qu'il y a énormément de possibilités. Bien sûr, mais c'est valable pour tout dans la vie, ça. Oui. Ah oui. Plus il y en a, et moins tu sais, et surtout, plus il y en a, et plus tu... Enfin, tu es censé te rendre compte que tu n'as pas besoin, en fait. Oui. On n'a jamais besoin de voir 300 groupes en 3 jours, quoi. Jamais. Mais étrangement... L'idée est bien passée et ça marche plutôt bien. Donc, je sais pas, il y a des trucs comme ça. Mais c'est vraiment valable pour énormément de choses. Quoi. C'est valable pour les chaînes de télé, pour les albums, pour les amis, pour les bières, pour les pizzas. C'est valable pour tout, en fait. À un moment, ça passe plus parce qu'il y en a trop. Et c'est valable pour absolument tout. Beaucoup de choix. Ouais. Mais c'est intéressant de voir que ce que ça provoque, c'est, c'est pas souvent très positif. Enfin, c'est très positif pour une partie des gens, pour une petite partie des gens. Et pour le plus grand nombre, ça reste compliqué, tu vois. Nous, enfin, avec Noizer, on organise pas mal de concerts et on a bien conscience que si jamais t'es un peu ouvert et que t'as envie de voir un peu des groupes, il y a beaucoup de choses à voir et clairement, le budget, il peut pas suivre. Et c'est bien normal. Donc, il y a aussi cette question qu'on se pose à nous-mêmes de est-ce que ça vaut vraiment le coup de proposer 7, 8, 10 concerts par mois tout en sachant très bien que les gens vont devoir les choisir, etc. Enfin, c'est... Et pour le coup, tout en ayant vous la pression de, bah, il faut quand même remplir les salles un minimum pour rentrer dans les budgets en plus. Enfin, on a besoin des concerts effectivement pour vivre. On a besoin de, enfin, on veut rendre service parce qu'on est impliqué là-dedans. On veut rendre service aux groupes, aux tourneurs. On veut permettre aux gens de voir les groupes qu'ils veulent voir parce que c'est génial. Et toutes ces questions-là. Mais on rentre aussi dans ce questionnement de, on est sur un volume important. Et ça pose des questions, quoi. Ça pose des questions pour absolument tout, mais globalement, on est tous très. Enfin, comment dire, c'est très compliqué, quoi, d'accepter l'idée selon laquelle à un moment il faut arrêter, enfin, faut freiner les choses, ou faut ralentir, ou il faut faire moins, ou il faut être plus sélectif, plus. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Même une fois qu'on s'en rend compte, c'est valable dans nos vies à tous, je pense, tu vois, on sait tous qu'il faudrait faire mieux avec moins. Mais il n'y a rien qui est fait pour nous donner envie de faire ça, jamais. Quoi. Donc, notre éducation globale. Ouais, c'est sûr. Enfin, voilà, aussi. Et puis on vit dans ce monde, et même aux âges qu'on a, on a toujours été élevé avec le il faut mieux, il faut plus. C'est un truc qui fait partie de nous depuis toujours, et même de l'humanité, tu vois. On a toujours avancé, on a toujours développé les technologies, on a toujours abattu des forêts pour construire des maisons. Enfin, tous ces trucs-là, on n'a jamais dit. On va s'arrêter là et on va s'arrêter là, c'est très bien. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, je suis sûr que ça n'arrivera jamais avec rien, quoi. Je pense pas non plus. Oui. Donc, et les concerts, ça va exactement. Les artistes, c'est le même truc, quoi. Ou même le fait de vouloir. Tu sais, à une époque, j'ai l'impression que tout le monde, ou en tout cas en ce moment, tout le monde est capable de faire de la musique, de monter des groupes, de se filmer, de. Tu vois, parce que tout est fait pour nous donner l'impression qu'on va tous participer à ça, qu'on a tous quelque chose à proposer. Et au final, oui, évidemment que quand tout le monde essaie de le faire, bah, tout le monde est occupé à te vendre son truc et plus personne s'occupe de ce que fait l'autre, tu vois, parce qu'il préférait d'abord que tu achètes lui avant que lui, il essaie de s'intéresser à toi éventuellement. Enfin, c'est un truc, c'est très global, quoi, très général, j'ai l'impression. Oui. En tout cas. Ouais, bon, non, mais... Ça devient un peu vague, mais... Je suis assez d'accord avec toi, non, mais c'est clair. Bah, écoute, on va profiter du fait que tu as commencé déjà à amorcer un peu, à parler de ce que tu... De Noizer, de votre façon de voir les choses, pour parler un peu de ce que tu fais, toi, concrètement, dans Noizer comme métier. Alors, on l'avait déjà un petit peu abordé dans une précédente vidéo ensemble. Oui. attends, j'arrive pas à retrouver le nom du bar. Le Bear's House. Voilà, merci. Débit de boisson toulousain. C'était en septembre. Ouais, l'année dernière, 2024. Pour la rentrée des classes de Noizer. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous refaire un peu une présentation globale et peut-être que globale de tout ? Non, de ce que toi tu fais. En gros, je fais toute la préparation des dates. Et après, moi, Céline et Nico, qui sommes les trois salariés, et ensuite, il y a la vingtaine de bénévoles. À nous trois, on fait tout. C'est-à-dire qu'on est un peu multitâches, tous. Mais moi, en gros, mon focus à moi, c'est une fois que Nico, il a booké la date, qu'elle est calée dans l'agenda, etc. Moi, mon boulot, c'est de la préparer. Donc, de faire en sorte que que les artistes arrivent au bon endroit, au bon moment, qu'ils puissent aller à l'hôtel, qu'ils aient un planning précis des horaires en fonction de ce dont ils ont besoin pour les balances, pour le repas, etc. Ensuite, je fais le lien technique avec la salle, c'est-à-dire que les artistes nous envoient ce qu'on appelle les riders, donc c'est leurs demandes techniques et leurs exigences techniques pour faire en sorte que le show puisse arriver. Et donc ça, moi, je l'envoie aux salles, ou alors, vu que maintenant je les connais quand même bien, les salles, je sais déjà ce qui va passer, pas passer, un peu, etc. Et donc je commence à faire des échanges avec les... Alors en général... Évidemment, c'est pas des artistes, mais c'est soit les tourneurs avec qui je prépare ces trucs-là, soit quelqu'un à l'intérieur des tourneurs qui a le même poste que moi, mais chez le tourneur, c'est-à-dire que son boulot, c'est de préparer les dates. Ça s'appelle advancing en anglais. Et donc voilà, donc ça peut durer des mois quand c'est des grosses dates, à une semaine quand c'est des toutes petites dates. Et en gros, mon boulot, c'est ça. Et ensuite, un peu avant que la date arrive, je fais les courses pour la bouffe, pour les loges. Et le jour J, je suis régisseur général, c'est-à-dire que je suis sur place toute la journée et je fais en sorte que tout se déroule comme on a prévu en amont. En gros, ça correspond à peu près à ça. Et ça englobe plein de micro-tâches, plein. Auxquelles il faut penser. Tu fais quand même plusieurs métiers annuels. Oui, oui, mais je ne sais même pas. Ouais. Moi, ce n'est pas ma formation initiale. Je n'ai pas appris à faire ce métier nulle part. Donc, je l'ai appris sur le moment, quand il a fallu les faire, les dates. Et ouais, c'est plein de métiers. Et en même temps, la manière qu'on a, nous, de faire dans Noizer, elle est à la croisée de beaucoup de choses. Elle est très artisanale. Donc, on se rend bien compte qu'on fait plein de choses un peu différemment, mais juste parce qu'on se débrouille avec le peu de moyens qu'on a. Et en fait, on est amené à faire plein de choses qu'on n'est pas censé faire. Et c'est très bien, hein, c'est comme ça qu'on trouve ça cool. Et de temps en temps, quand on voit que l'assaut grossit et qu'il faudrait qu'on commence à embaucher un peu des gens, ça fait quand même quelques temps qu'on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait déléguer certaines tâches à d'autres pour alléger les processus à des endroits. Et on a beaucoup de mal à le faire parce qu'en fait, on est vraiment en vase clos et on fonctionne vraiment en amis, quoi. Donc, on sait très bien que quand il y en a un qui n'a pas le temps de faire un truc, il suffit de dire « tu peux, s'il te plaît ?» et on le fait, tu vois. Mais si on devait rendre ça plus professionnel et peut-être plus rigoureux, ce serait compliqué à faire, quoi. Après, peut-être, j'imagine qu'on le fera parce qu'on ne va pas avoir le choix à un moment, mais là, c'est plein de petits métiers, ou en tout cas, c'est la débrouille, quoi. Dans ce milieu, de toute façon, c'est toujours un peu la débrouille pour beaucoup de choses, hein, donc... Voilà, en gros, à peu près ce que je fais, quoi. Après, de temps en temps, je fais du visuel. Des fois, je fais du réseau social, mais très vite fait. C'est plutôt Nico qui fait ça en ce moment, les réseaux, la communication, tout ça. Et voilà, plein de choses. Une date, ça englobe vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes. Beaucoup. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça fait un peu plus de 4 ans. Un peu plus de 4 ans, oui. Ok. Ouais. Donc, c'est pas Noizer, ça existe depuis une quinzaine d'années. Donc moi, je suis vraiment arrivé tardivement après le Covid. Et voilà, même ça fait, on se connaît depuis toujours et ça fait longtemps. Mais après, Noizer a pris ce rythme vraiment un peu plus industriel, on va dire, depuis le Covid, quoi. C'est là où ça a commencé. Enfin, vu que c'est devenu professionnel pour 3 d'entre nous, on n'a plus de problème à se dire c'est le boulot au quotidien, c'est celui-là. Donc on peut monter le volume de dates. C'est plus quelque chose avec lequel on doit composer en dehors du travail de 35 heures par semaine. Évidemment, on ne pourrait pas faire ça si on avait des boulots à côté. Donc, c'est notre boulot quotidien, quoi. Voilà. Moi, j'avais déjà eu l'occasion de discuter avec Mika plusieurs fois, et notamment de son métier. Mais je ne sais pas, si Lucie, toi, ça te donne envie de... Je ne pensais pas qu'il y avait tout ça, vraiment, voilà. Justement. Ouais. Et encore, je ne t'en ai pas dit beaucoup, quoi. Ouais, c'est assez impressionnant. Il y a des tout petits trucs auxquels on ne pense pas, genre aller laver les serviettes le lendemain du concert. Ah bah ouais, ça, oui. On ne pense pas à ça, mais ça, c'est du boulot aussi. Tu veux dire que l'artiste suivant n'a pas envie de recevoir les serviettes sales du précédent ? Non. L'artiste suivant, il veut des serviettes propres. Il veut des serviettes pas neuves aussi. Des serviettes, si jamais elles sont neuves, il faut qu'elles aient été lavées une fois. Wow. C'est un peu comme tout le monde, tu me diras, mais c'est quand même un truc récurrent. Et à chaque fois, je me dis, si jamais on en manque de serviettes, on va en acheter. Ah ben non, parce qu'il faut les laver. Donc, bref, des détails comme ça. Mais il y a plein d'autres trucs. Enfin, moi, j'en parle souvent parce que c'est le nerf de la guerre pour moi, mais les riders... pas les riders techniques, parce que les riders techniques, ça se règle toujours. Les salles qu'on a à Toulouse, elles sont bien équipées pour la plupart, en tout cas pour nous, ce qu'on fréquente. Donc, il n'y a jamais trop de problèmes avec ça, on y arrive toujours. Mais les trucs plus prenants, qui prennent de l'énergie, c'est les demandes, les courses un peu spéciales, ce genre de trucs qu'on fait de moins en... Enfin, on y cède de moins en moins, ces envies-là, parce qu'on n'a pas envie, c'est pas... On essaie de mettre un peu de... pas d'éthique, on va dire, mais il y a des choses... on veut tous être bien accueillis n'importe où on va, et on veut bien accueillir les gens, et on ce standard-là, on le connaît, donc on sait très bien quoi faire pour que les gens soient heureux, mais on n'a pas envie d'aller non plus... on doit pas faire des choses trop débiles, quoi. On doit pas commander de l'eau qui vient de l'autre bout de la planète sur Amazon pour une date, on peut pas faire ça. Et c'est des choses qu'on essaie de... Mais ça, il faut le négocier tout le temps en amont, quoi. Tu vois, tu peux pas... Enfin, c'est difficile de prendre ces décisions-là unilatéralement, donc moi, je perds beaucoup de temps, parce que c'est une perte de temps pour moi, à discuter de ces choses-là, quoi. À dire ça, j'achèterai pas, ça, je veux pas, ça, c'est pas possible. Et ça, c'est pareil, ça prend un temps vraiment important sur les dates, beaucoup. Et c'est un truc qu'on sait pas forcément ou qu'on voit pas forcément. Et il y a des choses comme ça, ouais, qui prennent du temps. Voilà, donc oui, plein de petites tâches et de petits détails. Parfois. Ouais, ouais, ouais. Un sacré niveau d'anglais, normalement, quand même, pour arriver à gérer tout ça. Enfin, un niveau d'anglais correct, quoi. Ouais. Il faudra quand même arriver à communiquer. Oui, oui, ouais, ouais. Oui, clairement. Oui, c'est clair que c'est le standard. Ça limite pas mal, sinon, la barrière de la langue, tout ça. Ouais, et même, tu vois, des fois, il y a besoin de faire le lien entre, par exemple, certaines salles où les gens qu'il va y avoir parlent moyennement anglais, parce qu'on est dans le sud-ouest. C'est, ouais, et puis on est, en France, on n'est pas super bon, mine de rien, aux langues. Alors, les jeunes générations, ça s'améliore, j'imagine, tu vois, mais certaines personnes qui ont 50 balais ou même passé, c'est pas forcément un truc qui fait partie de leur formation. Mmh. Et donc, de temps en temps, c'est pareil, il y a besoin de faire du lien là-dessus. Pareil pour les hôtels, quand on voit des artistes à l'hôtel, il faut vraiment que tout soit balisé, clair pour eux, qu'il n'y ait pas de... d'imprévu, des petits détails comme ça, ou même au restaurant, quand tu les envoies au restaurant, les régimes alimentaires, c'est compliqué, les qui mangent quoi, qui veut pas manger quoi, qui veut pas manger quand, c'est pareil, c'est des trucs, c'est des petits détails, c'est rien de... Il n'y a pas mort d'homme nulle part, mais c'est vraiment des trucs, c'est pour qu'une journée se déroule bien, facilement, il faut que tout ça soit très balisé et très cadré, et plus ça l'est, et plus c'est facile pour les artistes et pour la production de passer une bonne journée. Et ça, c'est l'un des trucs. Enfin, c'est vraiment là où on passe beaucoup de temps et beaucoup de négociations et beaucoup de discussions là-dessus. Ok. Pardon, vas-y, pose ta question. T'as dit à peu près combien de temps par date tu passes au niveau taf hein? Ça dépend vraiment de la taille de la date. Ouais. En nombre d'heures, je ne saurais pas te dire parce que les gens souvent me demandent en nombre d'heures, ça représente quoi? Je ne sais pas parce que c'est très, très, très morcelé. Mais par contre, une date comme Vardruna, tu vois, je crois c'est en décembre. Je sais que Vardruna, on a déjà commencé à discuter de certaines choses techniques, tu vois, et c'est loin décembre. Et je sais que de maintenant jusqu'à décembre, ça va être un petit flot continu, régulier, de choses à prévoir, de questions à répondre, de choses à organiser. Et donc, à l'arrivée, c'est une date qui va prendre plusieurs mois à être organisée et à cadrer, mais c'est parce que c'est très gros, tu vois. Okay. Et à l'inverse... C'est peut-être votre plus grosse date que vous ayez jamais fait, hein. Oui, parce qu'on les a déjà fait il y a 2-3 ans, mais c'était un zénith assis, parce que c'était post-Covid. Et okay. Donc, on avait dû limiter la jauge à 1007, je crois, peut-être 1005 ou 1007, un truc comme ça. Donc, oui, peut-être que cette Vardruna-là sera la plus grosse. Ouais. C'est combien de places? C'est muré, c'est ça? Ouais. C'est l'horizon Ouais, je crois que ça. Alors, en fait, j'ai été choqué la dernière fois de voir la taille parce que je connaissais pas du tout cette salle. Quand j'ai vu Vardruna, j'ai vu un muré, je me suis dit, c'est bizarre qu'ils aillent là-bas. J'ai vu la taille de la salle, j'ai dit ah oui, d'accord. C'est 5-6 000, un truc comme ça? Ouais, c'est impressionnant. Enfin, je pensais pas qu'il y avait une salle aussi grosse à Muret. Ouais, non, moi non plus. Et c'est clairement une histoire de taille pour Vardruna, de taille et de dispo, concrètement. Et je me demande même s'ils n'ont pas demandé à ce qu'il y ait une partie de assis aussi. Je suis lacunaire, désolé. Je crois qu'il y a une partie assis parce que ça leur a bien plu d'avoir des gens assis. D'accord. Je crois, je sais plus. Je me trompe, désolé. Ouais, c'est ce que je veux dire. Le style peut coller avec. Ouais, grave. Assis aussi. Ouais. C'est toujours plus cool assis, ce genre de musique. Ouais. Beaucoup de genres de musique sont plus cool assis. Je fais moins mal aux jambes. Exactement. À un certain âge, je veux toutes les faire assises. Enfin, moi, en tout cas, je veux. Mais non, ça va être une grosse logistique, ouais. Vardruna. Ouais, du coup, une journée type sur une date comme ça, c'est. Quelle heure à peu près? Sur Vardruna, tu veux dire? Ouais. Ou n'importe. Bah, plus, là, globalement, la moyenne, c'est toujours pareil. On va arriver au bureau vers 8h30, 9h max, on va dire. Et parce qu'on a un catering d'arrivée à préparer. Donc, tu vois, couper des légumes, faire des plateaux de fromage, de charcuterie, préparer du bois, d'accord. Tout ça, ça prend du temps. Ensuite, préparer toutes les boissons. On a pas mal de choses à imprimer, les riders, des feuilles de route, tout ce dont on a besoin pour bosser pendant la journée, la guest list, tous ces trucs-là. Regarder les mails de gens qui nous demandent des accrèdes à la dernière minute, ce genre de truc. Cache-toi. Non, je ne parlais pas de toi spécialement. Ah, j'essaie toujours de demander au moins une semaine à l'avance, tu vois, pour ne pas vous mettre dans le jus. Donc ce genre de truc, ouais. Ensuite, il faut qu'on arrive à la salle. En général, on y arrive vers midi, une heure, parce que les artistes arrivent vers cette heure-là aussi, en gros. Et ensuite, le temps de décharger, le temps d'installer, le temps de faire des balances, etc., le concert... La journée, ça doit finir vers... Moi, je repasse au bureau avec les choses à ramener vers 1h30, 2h. Donc, ça fait un truc comme ça. Ça fait 8h, 2h, à peu près. Pas mal. Ouais, faut ça. Heureusement que c'est pas tous les jours. Ouais, c'est sympa d'enchaîner, du coup, là, les trois dates. Mais tu vois, sur ces trois dates, le truc, c'était pas... Je vais pas me lancer dedans en détail, mais le problème, c'était pas les amplitudes ou quoi que ce soit, c'était... Pendant que tu es sur une, il y a celle du lendemain qui te demande de nouvelles choses et celle du lendemain et encore d'après qui te demande de nouvelles choses. Et pendant que tu es là, c'est difficile de reprendre du temps pour un autre truc. Et quand les choses s'additionnent, quand je suis sur une date, je sais que même si j'aimerais, je n'ai pas le temps de m'avancer pour les autres dates parce que j'ai d'autres choses à faire le jour de la date. Et du coup, je fais un peu la paix avec ça et je me dis tu verras demain. Mais là, quand tu en as trois d'affilée, avec en plus les autres qui arrivent au mois de mai, là, clairement, j'étais dans un moment où je devais... anticiper des trucs, j'ai manqué de temps, c'était un peu stressant, donc c'était voilà, c'est pas les amplitudes Puis globalement, enfin, je peux pas. Ça dépend de chacun d'entre nous, mais je me plains pas. Je trouve que le boulot est cool. On passe des bons moments. On est là pour faire ce qu'on aime. On voit les artistes, de la musique que globalement on apprécie. Donc c'est cool quoi. En vrai, c'est cool. Puis enfin, vous le savez, quand on aime le truc pour lequel on est là, ça passe plus vite. Donc c'est sûr. Voilà, les amplitudes, c'est pas le souci. C'est vraiment, c'est juste la somme de toutes ces petites choses qui font qu'à un moment, ça devient un peu beaucoup. Mais bon, c'est cool. Ce qui te dit à demi-mot, c'est qu'en fait, les légumes qu'ils ont arrangés le mercredi, ils étaient coupés depuis le lundi. Sûrement pas, jamais. Que non. Du frais. Que du frais du marché du matin. C'est petit clin d'œil à Céline. non, que du frais tous les jours. De toute façon, on peut pas se permettre. Déjà, on veut pas prendre de risques. Quand les gens ils se pointent, ils sont 30. On veut pas prendre le risque qu'il y a un truc pas frais au milieu ou qu'on a le moindre souci avec ça. C'est pas. On veut. Non, on prend pas le risque. Je comprends. Écoute, je pense que déjà tu nous as fait un peu une présentation bien intéressante, bien globale de ce que tes activités. Ouais, en gros. Après, il y a toute la phase. Bon, c'est autre chose, mais on discute souvent avec Nico, Céline, les bénévoles de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire, comment essayer de dynamiser des trucs, trouver des petits concours, des choses comme ça. Enfin, on aimerait le faire plus que ça, mais on est un peu pris dans le truc des dates, donc on manque de temps, mais. Il y a ça aussi, quoi, se poser des questions sur comment faire quoi. On va voir des nouveaux lieux aussi, des fois, des nouveaux lieux qui ouvrent. Là, il y en a quelques-uns qui arrivent. Essayer de provoquer des nouvelles choses. Tu vois, la date Plébéia de Mourir, là, qui a bientôt, c'est parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de trucs un peu local. Donc, Mourir avait envie de jouer à Toulouse parce qu'ils n'ont pas joué depuis qu'ils ont sorti le dernier disque, là. Donc, l'idée, c'était quand eux ont dit on ferait bien une date à Toulouse. Nico s'est dit faut refaire jouer Plébéia qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Tous ces trucs-là. Donc, on aimerait bien. Il y a des choses comme ça qu'on aimerait bien provoquer et qu'on n'arrive pas à provoquer assez souvent. Donc on prend du temps aussi pour réfléchir à ce genre d'idées. Mais c'est difficile à insérer dans la programmation et dans l'espèce de flow continu qu'on a. Mais on essaie, on essaie de trouver des idées quand même avec ça. Ouais. Non, mais ce que tu dis de vouloir rentrer de la nouveauté tout en essayant de jongler avec ce que tu fais habituellement, c'est un peu aussi ce qu'on fait. À notre échelle, mais dès qu'on veut essayer de créer quelque chose de nouveau, en fait, on le décale dans la chaîne de semaine en semaine, on n'a pas eu le temps cette semaine, on décale, rapidement, tu te retrouves avec 2-3 mois qui sont passés, et on n'a toujours pas fait ça. Il y a des années qui se passent avant de pouvoir concrétiser certains trucs, c'est vraiment, puis ça prend le temps de maturer aussi dans un sens, tu vois. J'imagine. Écoute, on glisse rapidement parce que je vois que le temps passe ce qu'on a pu écouter ce mois-ci. Lucie, je te lance, donc je te lance direct. T'as pas beaucoup parlé par rapport à nous jusqu'à présent, donc c'est le moment de nous convaincre que le metalcore c'est cool. Vas-y Lucie, tu as droit à 10 mots. Petit mot. Du coup, vu que tu m'as piqué celui que je devais pas parler d'album, il a fallu que j'en trouve un autre. On pourra en parler juste après. Mais oui, t'as censuré à cause de moi ? Non, du tout. Il l'a piqué pour après. L'ai piqué pour après, mais. Il fallait que j'en trouve un autre, du coup. Donc, moi, je suis partie sur le dernier album de Bleed From Within, Zenith. Voilà. Donc, groupe écossais qui fait forcément du metalcore. Voilà, l'album il est sorti au début du mois d'avril, le 4 avril, c'est leur 7e album. Et 7e ? Ouais, 7e album. Ah j'ai trouvé 7e album. Ouais, c'est le groupe qui a été créé en 2005. Ils se la donnent quand même en pro. Ça traîne pas. 7e album, c'est voilà, normal. Apparemment. Et puis au passage, ils vont passer à Toulouse au 1er octobre. Donc c'est aussi pour ça que ça m'a intéressé au début. C'est pas vous, non. C'est Rigard qui est programmé. Exactement. Et en fait, au final, je les avais jamais écoutés en entier. Un petit peu parce qu'ils étaient au Hellfest l'année dernière. T'es pas allé le voir d'ailleurs ? Ben si. Ah. Mais sans plus. T'étais là, Nico. Hein. Non. Sans plus, j'avais bien aimé, mais voilà. Bon, toi, t'étais de loin, t'inquiète. Il y avait Morn en même temps. J'ai regardé, il y avait Morn en même temps, c'est sûr que j'étais pas là. Donc, il y en avait quelques-unes que j'aimais bien, du coup j'ai écouté l'album et moi pour le coup ça m'a bien plu. Okay. Voilà, Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus pour vous convaincre d'écouter ça? Écoute, j'ai jeté une oreille aussi, mais j'avais déjà écouté un petit peu. Ça rentre dans le metalcore que je déteste pas. Que tu détestes pas? Non, mais parce que, tu sais, ils sont pas trop dans... on rajoute de l'électro dans tous les sens, on se fait des refrains hyper pop, là, hyper... Je sens que t'as des boutons quand je t'en... Non. Ce que voilà. T'aimes, c'est ça, toi aussi. Non, mais justement, tu vois, j'ai bien aimé réécouter un petit peu. Alors, j'ai pas refait toute leur discographie, j'ai même pas écouté tout leur dernier album en entier, mais j'ai trouvé quand même que c'était plutôt cool, dans le style, j'ai trouvé que c'était... un des groupes qui fait les choses les plus intéressantes en ce moment, pour le coup. Parce que ils ont encore droit au but. C'est vrai. Et ça, moi, j'aime bien. J'aime bien des fois quand... quand c'est direct. Surtout sur un style qui veut être actuellement le style le plus à la mode, le plus grand public, le plus tout ça. Je le prends plein cœur. C'est un peu vrai quand même. Est-ce que tu as un style qui est plus populaire en ce moment que le metalcore? Je pose vraiment la question. Dans le metal? Ouais. Non, je pense pas, effectivement. Ah non. Oui, dans le metal, après. Non, effectivement. C'est vrai que c'est locomotive depuis quelques années, ce truc. Et puis, tous ces genres affiliés à ça. Puis ça arrête pas, là. C'est quoi le gros, là, qui a joué l'année dernière au Zénith? Qui est dans le... Bring Me The Horizon, c'est ça? C'était il y a 2 ans. Ouais, pardon, c'est du metalcore aussi. Ouais. C'est la version très très mainstream, quoi. Très poppy. C'est peut-être les plus expérimentaux aussi, en fait. D'un album sur l'autre, ils changent énormément. Ouais, il y a eu beaucoup de changements. Et du coup, les derniers sont très poppy. Okay. Mais avant ça, c'était... les premiers, c'était c'était vénère au début. T'avais même un côté presque un peu post, tu vois. Sur les premiers. Mais t'as quand même une forte émulation metalcore. Clairement. C'est un peu pour ça que je suis là aussi. T'es notre... la petite novice. T'es toujours notre caution grand public, c'est cool. Voilà. Moi, le groupe que j'ai écouté le plus ce mois-ci, c'est Psycup, parce que j'ai fait l'interview il y a 15 jours, qui est déjà disponible. Donc Psycup, groupe toulousain. Je pense que quand tu parlais des groupes qui jouaient quand même pas mal sur Toulouse et qui se sont entraînés, ils pouvaient rentrer un petit peu dans cette catégorie-là. Ils ont déjà 30 ans de carrière. Et donc, eux, ils ont sorti, c'était c'est leur 6e album, là, donc The Joke of Tomorrow. Eux, c'est du métal expérimental, et les 3 premiers albums sont... Mais alors, c'est perché, c'est vraiment très, très perché. Vraiment, tu passes d'un truc à l'autre, d'un style à l'autre, ça n'a rien à voir, c'est complètement fou. Mika, je pense que tu connais déjà mieux. The Joke of Tomorrow, en fait, il y a encore un peu tout ça, de tout foufou, mais en même temps, tu vois qu'ils commencent à cadrer un peu leurs propos, et tu te retrouves plus avec une chanson de 12 minutes dans laquelle ils discutent de ce qu'ils vont mettre dans leur album, tu vois, par exemple. Il y avait des trucs sur les premiers albums. Ça se décrit pas, il faut l'écouter presque. J'ai pas écouté du coup les premiers. Voilà. Donc je sais pas si toi t'es Psycup, ça te parle ou pas, musicalement. Pas trop. Mais on se connaît depuis presque 30 ans, je pense, avec certains. C'est sûr. On va parler de ton groupe après, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est un peu passé chez Psycup. Oui, Victor, oui, c'est vrai, effectivement. Mais après, c'est une locomotive depuis longtemps. Ils ont fait ça très sérieusement dès le début. Ils ont beaucoup bossé ce truc-là depuis longtemps. Donc après, il y a eu plein de moments dans leur carrière. Mais au début, il y a un peu plus d'humour et de... Ouais, tu parles, là, où on faisait un passage ci, un passage ça, ils ont l'air de faire un peu moins maintenant. Oui, c'est un peu plus standardisé. L'arrivée de Mathieu au chant. Parce que je pense que ce qu'il y avait aussi beaucoup avant, c'était le duo Milka-Julien. Ils avaient une espèce de délire, tous les deux, qui créaient, je pense, ce monde un peu plus imagé. J'ai dit une connerie ? Non, du tout. Et je pense que quand Mathieu est arrivé au chant, je pense que ça a influencé vachement la direction un peu sérieuse, on va dire, entre guillemets, ou plus sérieuse, je veux dire... sérieux dans le sens de moins partir dans tous les sens. Je pense que c'est après, cohérent. D'après les dires du groupe, surtout dans l'interview, ils disaient que il y avait aussi un côté depuis leur pause, parce qu'ils ont arrêté quand même une bonne dizaine d'années. Ouais. En fait, depuis qu'ils sont revenus, ils essayaient déjà sur leurs deux précédents de réduire un peu, éviter les 12 minutes, tu vois, ça part totalement dans tous les sens pour essayer justement que leurs propos dans les textes soient un peu plus concrets pour les gens, parlent un peu plus, et éviter les albums d'une heure et demie où en fait tu te souviens limite plus de ce que tu as écouté. C'est vrai qu'il y avait eu un double album à une époque. Vraiment, je me suis refait toute la disco. Ils ont un gros univers. Je me suis refait toute la disco avant de l'interviewer. Il y a du monde. De toute façon, au bout de deux albums, je t'ai dit j'arrête pour au moins la journée, j'en peux plus. T'es vraiment usé de l'avoir écouté parce que tu sais plus où ça va. C'est très riche musicalement. Et toi, Lucie, Psycup, tu m'avais dit que c'était pas trop ton... Du coup, j'ai écouté le dernier album et... c'est trop, ça part trop en couille. C'est un peu cette impression-là que j'ai eue. Je savais pas trop où voulait revenir Ils ont gardé leur côté schizo un peu, peut-être. Tu peux quand même. Je l'ai pas écouté. J'ai écouté un single, mais j'ai pas écouté la J'allais dire, il y avait un petit côté clownesque dans certaines chansons qui ressortaient un peu, et c'est peut-être le but de l'album, vu que il y a un côté visuel, du coup. Et du coup, ça me perturbait un peu, par moments, mais... Voilà, sans plus. Et toi, est-ce que tu nous as écouté quelque chose qui t'a marqué ce mois-ci, ou si c'est pas ce mois-ci, c'est en général ces derniers temps. Un truc récent ou qu'importe. Qu'importe. Tu vois, là, Psycup, ça tombait bien parce qu'ils ont sorti quelque chose, mais. J'ai beaucoup écouté un groupe. Je sais plus d'où ils sont. Est-ce qu'ils sont suédois ou norvégiens, je crois. Il s'appelle Swarm of the Sun. Mm-hmm. C'est un duo. C'est un truc qui sort chez Pelagic. C'est un truc très lent, lourd, un peu post-rock, j'imagine. Mais il passe pas chez vous, Non, mais j'aimerais bien. Ou finlandais, je sais plus. Bref, j'ai beaucoup écouté ce disque. Ah ouais, j'avais. Okay. Mercredi dernier. Vu que j'en ai parlé pas mal ces mois-ci, tout le monde m'a dit ça, genre, mais vous les faites pas jouer. C'est Swallow the Sun, c'est presque, mais pas. J'ai beaucoup écouté le disque l'année dernière qui s'appelle An Empire, qui est pareil, c'est très long et très contemplatif, mais j'avais envie de ça ces derniers temps. Donc j'ai beaucoup écouté ça, et le dernier Chelsea Wolfe aussi, que je trouve vraiment incroyable. J'aime beaucoup tous les albums de Chelsea Wolfe, donc j'ai beaucoup écouté ça. Ulcerate aussi, beaucoup. Dernier Ulcerate, c'est incroyable. Il y a plein de trucs, mais là, c'est ce qui me vient. Ouais. Pour ce mois-ci, en tout cas. Ok, tu vois, Chelsea Wolfe. En fait, moi, je la préfère en collaboration que celle. Ah ouais ? Ouais. Tiens donc. Je trouve qu'elle a une super voix, mais je trouve limite plus originale quand elle collabore. Ah ouais ? Que quand elle fait les choses seule. Quand elle fait les choses seule, j'arrive pas trop à rentrer dedans. Non, il y a plein de trucs différents, quoi, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle fait seule. Peut-être ça mon problème. Okay. Elle change l'esthétique d'un album à l'autre. Même si elle a un univers, il y a des albums folk, des albums plus électroniques, des albums plus sludge. Et c'est ce qui, c'est ce qui me plaît, du coup. Elle puisse renouveler un peu son truc, même si ça marchera pas 120 fois. Mais jusque-là, je trouve ça cool. Qu'elle tente. Carrément. Tant qu'elle a envie et qu'elle tente, c'est intéressant. Pour moi, évidemment. Oui, non, mais après. Ça m'a pas déplu. Quand tu dis collaboration, tu penses à Blood Moon, là, le truc avec Converge Par exemple, en fait, cet aspect Converge qui apporte sa façon de faire de la musique, elle qui apporte ses esthétiques aussi, l'un plus l'autre, tu vois, je trouvais ça intéressant, mais peut-être parce qu'aussi il y avait une ligne directrice sur tout l'album. Oui, et peut-être sur tout l'album que tu identifies parce que tu la connais un peu et que ça t'aide à avoir un cadre que tu connais, peut-être. Ça a bien marché, ce truc, il me semble, Blood Moon. J'ai eu l'impression. C'est les gens avaient kiffé. Lucie, bien sûr, ça te parle totalement. On va essayer. Te moque pas, enfin. Non, mais il te faudra franchement, jette une oreille déjà Chelsea Wolfe en solo. Ça me dit un truc. Il y a tellement de choses à écouter. Je pense que tu peux y ça trouver ton compte. Ça va se rajouter à la énième liste qui est de tous les trucs. Il m'a dit ça, faut que t'écoutes. Ça prend une vie d'écouter de la musique. C'est au-delà. Donc, c'est un enfer. Ah bah ouais, ouais, ça, franchement, si tu veux écouter tout ce que tu vas écouter, c'est un enfer. C'est... Ah ouais, non, mais c'est très très dur. Je n'arrive pas à écouter tout ce qu'on fait jouer, hein, évidemment, c'est loin de là, très loin de là même. Bah, c'est disons que si tu veux survoler vite fait pour savoir ce que ça donne, tu, oui, peux. Oui, tu peux. Si tu veux rentrer vraiment dans l'analyse de leur musique, oui, je me doute que. Bah, oui, surtout des groupes qui ont 20, 30 ans de carrière, ça peut pas s'embrasser comme ça. Oui, puis ça peut pas du tout. Et puis merci, les 11 albums à se taper en. C'est ça, c'est ça. Non, en quelques jours. Il faut faire comme ça vient. Peut-être que tu écouteras Chelsea Wolf dans 20 ans, qu'importe. Je le note. Allez, on va prendre le dernier virage sur nos focus, sur les focus qu'on va faire tous les mois. Donc, finalement, j'ai envie qu'on commence par le focus groupe. Donc, pour parler de suite de notre petit focus groupe du mois, donc à savoir Asver. Donc, groupe c'est que. Focus du mois. Merde. Ouais. Okay. tous les mois, on essaie de choisir, un groupe français dont on va parler un peu plus en détail. Et un album qui peut être international, là peu importe, mais qui et d'ailleurs qui peut être plus ou moins récent, aussi pour en parler. Voilà. Vu que tu venais, c'était l'occasion de parler d'Asver, qui est ton dernier projet en date. Oui, à peu près voilà. Mon dernier projet en date. Donc, je ne suis pas ton actualité, poil du poil, mais... Voilà, mais écoute, si donc vous êtes un groupe, on va dire, de prog groove, c'est pareil, vous avez pas mal d'influences différentes. Ouais. Écoute, le plus simple, je pense, c'est que tu nous le présentes, en fait, plutôt que, tu vois, que je m'aventure sur... Mais c'est marrant l'histoire de l'étiquette parce que les étiquettes c'est toujours chiant et voilà, quoi qu'il arrive, ça fait chier tout le monde. Oui, mais... Sauf les disquaires, mais les disquaires c'est fini, donc on s'en fout. Mais les étiquettes, c'est vraiment intéressant de voir que quand tu n'arrives pas à les mettre, ça ne sert à rien d'essayer, en fait, tu vois, finalement. Alors nous, on invente, pas ça parce qu'on invente une musique, c'est pas ça, mais à force de mettre plein de mots bout à bout, ça dit effectivement qu'il y a des éléments de toute cette musique-là. Oui. Mais quand tu commences à en mettre beaucoup, c'est un peu comme quand tu mets plein d'ingrédients dans un truc, ça finit par faire un plat qui a un nom, tu vois. Oui. Et du coup, dans le cadre d'Asver, les influences, c'est toutes celles qu'on a depuis qu'on fait de la musique, donc c'est un peu varié à l'intérieur du métal extrême. Mais je me rappelle que quand l'album est sorti, la boîte de promo qui s'en occupait, je ne sais pas trop pour quelle raison, avait écrit Stoner Doom quelque chose, probablement parce que c'est le mot à la mode à peu près il y a quelques années. Et quand les gens écoutaient, ils se disaient « c'est pas trop Stoner ni Doom hein. ». Je dis « non, pas du tout, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce truc-là ». Je crois qu'il y a un morceau qui est un peu plus lourd que les autres et du coup, il y a un truc qui s'est fait avec ce morceau qui ne représente pas du tout le reste du disque. Bref, et on est resté là-dessus et... Et du coup, j'étais obligé de dire pas mal de fois aux gens pour les flyers ou quoi, d'écrire à écrit métal, juste, c'est vachement plus simple. Comme ça, on se fait pas chier avec ces trucs-là. Mais effectivement, voilà, c'est le mélange de toutes nos influences. On est vieux et on a écouté plein de trucs et joué plein de trucs. Et du coup, ça ressemble à tous nos goûts mélangés, quoi. Mais de loin, je pense que ça ressemble effectivement à un truc un peu prog parce qu'il y a de la voix mélodique alors, et que les morceaux sont pas tous courts. Donc. Il y a ce côté prog un peu. Il y a un côté un peu technique aussi quand même. Oui. Souvent la technicité, tu la rattaches facilement au progressif aussi. Oui, c'est vrai. Oui, le fait qu'il y ait plusieurs plans quand même par morceau, que ça change un peu, qu'il y ait de la mise en place. Ouais. Ça fait ce côté prog. Donc voilà, présenter le groupe vite fait, c'est ça ? En gros ? Ouais, les grandes lignes. En gros, on a monté ça en 2017, je crois, avec Julien, donc Nuts, qui joue dans Gorod aussi. Notre batteur à l'époque qui était Théo avait un groupe qui s'appelait Dimitri en gros à l'époque qui a arrêté dans ces eaux là et quand Dimitri a arrêté on s'est dit ah ce serait dommage que Théo il arrête la batterie alors du coup Julien a dit on a qu'à faire un groupe avec Théo et on jouait déjà avec Théo dans un groupe qui s'appelait Zubrovska à l'époque un groupe qui a duré un moment aussi et du coup nous ça nous permettait de nous retrouver moi Julien Théo pour faire un groupe et on a proposé à Nico assez rapidement je crois et à l'époque il y avait un autre bassiste bref qui jouait dans Dimitri aussi donc on a commencé à composer comme ça. Et ensuite, le bassiste est parti au Canada. Bref, on l'a remplacé par Victor, effectivement, qui jouait dans Psych Up à l'époque. Et voilà, on a fait l'album comme ça, qu'on a sorti en 2022, je crois. Ou 3, 2, je ne sais plus. Il y a 2-3 ans, je crois, un truc comme ça. C'est il y a longtemps déjà. Et voilà, en fait, on savait qu'on n'aurait pas beaucoup le temps de jouer, de... On savait qu'on arriverait à faire un disque et qu'on le sortirait, il n'y avait pas de souci, mais on ne savait pas trop si on allait pouvoir jouer, donc on a quand même joué un peu, plus que ce qu'on pensait, donc c'est cool. Et là, ça fait un moment qu'on s'est remis à la compo pour le prochain. Mais bon, voilà, c'est lent, parce qu'on ne se voit pas beaucoup, on n'a pas le temps. Concrètement, c'est vraiment ce truc-là que je regrette beaucoup aussi, mais c'est compliqué de faire de la musique à nos âges quand ce n'est pas notre métier, puisque ce n'est pas notre métier à aucun d'entre nous. Sauf Clément, le batteur actuellement qu'on a, qui est, lui c'est son métier, il est batteur, mais voilà, c'est compliqué, donc on passe du temps à essayer de se trouver pour essayer de faire de la musique ensemble, et ça prend du temps. Ouais. Donc le prochain est lointain encore, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on fera, quoi qu'il arrive. Okay. Voilà. Okay, okay. Bah écoute, moi, votre groupe, je l'ai écouté pas mal, on est venu voir en concert aussi. Oui. D'ailleurs organisé par l'asso musical. On est dans les locaux là en train d'enregistrer, donc merci à eux. Non, et puis c'était une super soirée, ça avait été très agréable de vous voir sur scène, une bonne énergie, une bonne osmose en fait, je dirais. Mm-hmm. Tu vois, on voit que vous êtes heureux d'être ensemble sur scène quand vous y êtes. Ouais. Ça se ressent aussi avec la communication publique, c'est-à-dire que le public aussi est du coup heureux de partager ce moment-là, et finalement tout le monde est content. C'est déjà pas mal, tu vois. Mais c'est un truc qu'on essaie de préserver, le fait que avant, quand c'était moins facile de faire de la musique avec des ordis. C'était il n'y a quand même pas si longtemps, on était obligé de se voir pour faire de la musique. Et ça créait des énergies et des échanges de molécules qui créent des choses qui sont un peu imperceptibles. Mais quand ça y est, ça y est. Et en fait, c'est un truc, je ne suis pas opposé à... Je ne dis pas ça par opposition aux manières de fonctionner qu'on a maintenant, qui est que maintenant, on peut faire un disque sans jamais s'être vu, et un disque incroyable, ce n'est pas un problème. Et c'est un truc, pour l'album d'avant, on a utilisé toutes ces manières de fonctionner. C'est-à-dire on a composé en répète et on a composé... seul devant l'ordi, et c'est super cool de pouvoir le faire maintenant, mais avec ce groupe là on essaye, même si ça prend beaucoup plus de temps, et on est assez en paix avec cette idée. On essaie de faire en sorte que la musique naisse du fait qu'on interagit ensemble, et parce qu'on sait que c'est quelque chose que les gens vont percevoir et qui sur scène nous fera gagner en cohérence, on va dire, en tout cas. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les groupes de maintenant. Je trouve qu'il y a toujours une différence entre des gens qui se voient et qui jouent ensemble de la musique, et des gens qui se voient pas et qui genre se rencontrent une fois ou deux avant la tournée parce qu'ils peuvent pas faire autrement et qu'ils ont quand même de la musique à faire et des albums à proposer. Mais avec Azver, on est un peu sur cette vieille manière de fonctionner, essayer de se voir et de mettre nos choses en commun pour créer un truc, créer quelque chose d'autre, quoi. Et donc c'est peut-être ça que tu as perçu aussi. Le fait qu'il y a plein de... On est à Toulouse, donc les gens, on les connaît. Il y a ce truc un peu familial, oui. Familier. On aime bien cette idée. Puis on sait que ça fait gagner de la cohérence musicale, on va dire. Musicale et d'exécution, peut-être. Ouais. Lucie, toi, tu détestes ou tu aimes bien? Écoute, Lucie. Seulement, elle a écouté, là. Là, pour le coup, elle a écouté. Ouais, j'ai écouté quand même. Mais pareil, je vous ai vu aussi. Donc, Mais oui, t'étais là. Bah oui. Non, je déteste pas. Loin de là. Alors, c'est juste c'est pour pas, t'embêter. C'est, encore une fois, c'est pas forcément. Il la provoque, quoi. Il est méchant. C'est pas forcément encore mon délire, mais il y en a quelques-unes que j'ai bien aimées et que j'avais justement enregistrées. Donc, voilà. Je découvre encore, mais. Mm-hmm. Des choses qui passent bien. Et d'autres qui m'interpellent un peu moins, donc... Ouais. On va terminer avec notre dernier point, qui va être celui qui va te faire le plus plaisir. Dis-moi. Donc c'est notre focus album. c'était aussi celui que Lucie a le plus écouté ce mois-ci. Donc c'est le nouveau Landmarks, donc The Darkest Place I Have Ever Been. Il ne pouvait pas faire plus long aussi, hein. En termes de titre, Landmarks, groupe marseillais de metalcore. Que dire, à part que c'est devenu les numéros 1 français du metalcore, sans trop de doute, et qui sont gentiment en train de se rapprocher, même d'être dans le tout haut du panier en termes de groupe français tout court, en fait. Lucie, je pense que c'est toi qui nous en parlera le mieux, vu que c'est toi qui adore ça. Vends-nous-le, lui. En fait, non, mais tu vois, je t'ai dit immédiatement, ça va être sympa parce que toi, Mika, t'es pas du tout, t'es pas du tout Landmark. C'est ça. Voilà. Lucie, c'est carrément fait pour toi. Et bon, moi, je suis un peu au milieu. Entre tu vois, les deux. Je vois ce qui fonctionne très bien. J'ai eu l'occasion de les voir en concert. Donc effectivement, j'ai validé aussi le. Ok, je comprends. Tu vois. Ouais, c'est hyper solide sur ça. Voilà. Et mais en même temps, il y a des fois musicalement, je me dis. Oui, non, tu vois, enfin, voilà. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est va être une... Pour finir, je pense que c'est peut être... J'aurais dû l'écouter avant de venir. J'aurais dû l'écouter, je voulais, mais voilà, le temps a filé. Ça aurait été bien, en fait. J'aurais pu avoir un avis tranché sur la question. Ah, déjà, si tu connais un peu les... Oui, je les ai vus quelques fois, voilà, j'ai écouté. Bon. Donc, oui. On voit bien. Ils n'ont pas réinventé la roue non plus sur le dernier album. Ah, voilà. D'accord, ok. Voilà, Il y a des choses qui changent. Vas-y, Lucie, je te vois faire... Bah, non, alors pour le coup, je l'ai écouté en entier, vraiment. Bravo. En mode album, du coup. Et bah, y a des choses assez différentes, ouais. De l'une à l'autre, il y a plusieurs chansons aussi en français, déjà. Ah y a ouais une bonne base, du chant en français. Et même du rap, ouais, en français. Du rap un peu aussi. Wow, ok. Ouais. Ok. Ouais, ouais, c'est pas étonnant. En fait, Oh, pour le coup, il y a des trucs sur lesquels je m'attendais pas forcément, comme il y en a une qui s'appelle... La valse du temps, où c'est vraiment un début de valse, en fait, avant qu'il lance le truc. Donc, je suis allée chercher des choses un peu partout et assez étonnée de tout ce qu'ils avaient mis là-dedans. Et bah, moi, ça m'a bien plu. Mmh. Voilà. Moi, sur l'écoute de l'album, pour moi, il y avait trois parties. Il y avait des titres vraiment très un peu metalcore traditionnel, je te bourrine la tête et on y va. Une partie très, très Landmark, en fait, cette fusion rap-metal, comme ils font très bien là, depuis deux albums, et où c'est efficace. Et une partie un peu early Linkin Park, j'ai trouvé, tu sais, avec cette façon de chanter, cette façon d'alterner, qui m'a fait très penser au début de Linkin Park. Plutôt période, Météora, Hybrid Theory, le tout début. Donc, un petit peu surpris de tout ce qu'ils ont pu mettre dans l'album. Après, clairement, cet album est fait pour cartonner et il va cartonner à mort. Voilà, ça, j'ai aucun doute. Et c'est pour ça que je disais là, en petite intro, que c'était un des groupes phares là, en France en ce moment. Et pour ils sont en train de mettre tout ce qu'il faut pour devenir... le groupe de métal que même les non-métalleux connaissent. Ah oui, à ce point-là ? Ah oui, je pense que avec ce truc de fusionner avec le rap, le métal, tout ça, pour moi, c'est un peu dans l'esprit de ce que Bring Me The Horizon est en train de réussir à l'échelle mondiale, tu vois, de populariser un petit peu sur les réseaux sociaux, les TikTok, les ceci et cela. Bring Me The Horizon, ça ressort beaucoup, tu vois, quand même, comme musique. Mm. Pour moi, Landmark, c'est quand même dans cette trajectoire-là de suivre le pas. Ou après, tu touches pas les mêmes personnes. On est en France, on parle quand même d'un groupe de métal. Enfin, il faut... Voilà. Oui, ils seront forcément plus gros ailleurs qu'ici, quoi. Voilà. C'est ce que je leur souhaite, mais... Oui. Ouais, toi, c'est moins ton truc. Landmark Ouais. Ouais, c'est pas du tout ton truc. Non, mais c'est difficile de... ça se résume pas à c'est mon truc ou c'est pas mon truc. C'est juste, je les ai vus, c'est très impressionnant. Mm. Et c'est des très bons musiciens et des mecs très... Enfin, c'est des... Il y a des groupes comme ça et des entités. Et quand ils décident de pousser un truc, ils le font. Et c'est ça qui est très impressionnant, quoi. C'est de voir qu'ils arrivent à avancer, à péter les codes, à péter les barrières et à avancer tout droit. C'est surtout ça qui m'intéresse, mais... Après, la musique en elle-même, c'est pas, moi, ça me fait une belle jambe. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est la qualité globale du groupe, et l'espèce de détermination qu'on ne voit pas chez tous les groupes, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que certains groupes avancent et d'autres non. Mais après, c'est quand même des groupes qui sont très dans l'air du temps, quoi. Donc, ils manipulent très bien les codes actuels et c'est super bien. Mais ça prend une place... démesuré, quoi. Enfin, pour moi, pas démesuré par rapport à ce qu'eux veulent faire, mais pour moi. Et du coup, quand tout à l'extérieur ne me parle pas, ce qui est à l'intérieur, quand bien même je trouverais leur musique absolument incroyable, tout ce qu'il y a autour me détourne clairement du truc. Donc je... Moi, j'aime la musique, quoi. Donc, oui. Ah, ben, bah, c'est un package job, là. Voilà, c'est pour ça. Donc, s'il faut d'abord que la musique me parle et le reste, on verra après. Mais je peux vraiment, en plus, me désintéresser de groupe si le tour devient fatigant. Voilà, quand il y a plein de promos, de produits dérivés, de trends, de trucs, c'est vraiment... Moi, ça m'épuise très vite. Donc, voilà. C'est pour ça que Landmarks, oui, non, c'est génial, mais je n'ai pas vraiment de... J'ai pas vraiment grand-chose à faire avec ça, quoi. Je comprends. Même si, bon, voilà, très grosse qualité, quoi. Ouais. Très très grosse qualité, mais quand même il faudra que j'aille l'écouter parce que ton truc du chant français ça m'intrigue quoi. Ouais, il y en a certaines effectivement avec ça. Où c'est un peu rappé un peu en français au début. Ouais, ouais. Bah, ouais. Créature. Ouais, des intros rap, des ouais. intros très rap pour ensuite aller sur un gros riff. Ouais, ouais. Ouais. Aller taper le gros break à la metalcore. Ah, oui, et tu forcément. Tu pars, mais tu démarres. Ouais. Après, c'est leur culture, ils ont toujours été. Oui. Fan de hip hop, ah oui, oui ouais. depuis le début, début ouais. quoi. Ouais. Mais c'est impressionnant aussi, c'est l'explosion du groupe en 3-4 ans qui est ouais, ouais, grave, c'est hyper impressionnant. Qui est ouf. C'était un groupe qui, oui, qui passait, on va dire, inaperçu et d'un seul coup, en fait, ça grave. La dernière fois qu'ils ont joué ici, les openers, c'était les têtes d'affiche d'il y a 2 ans. Je sais plus qui y avait, genre des Volkswagen Prada, là, ce genre ouais. de truc, c'était eux les openers, quoi. Donc là, c'est juste vrai. Hallucinant de voir à quel point. Ils sont passés de première partie très prometteuse à tête d'affiche et c'est les Ricains qui ouvrent pour eux quoi. Oui, donc c'est très très impressionnant quoi. Après je sais pas vraiment encore comment ça marche à l'étranger, j'ai pas trop suivi, mais en France c'est déjà très très gros quoi. Bah là alors après le truc du chant en français tu vois ça aide pas au développement international, donc c'est même si j'imagine que c'est saupoudré, c'est couillu. Ouais peut-être, après j'avoue que moi j'avais passé sur des réseaux des gens qui font toujours les réacts à chaud de la chanson et il y avait quelques Américains comme ça qui étaient là, oh, ça parle en français au début. Hein. Ouais, des fois, ça fait pas tout le monde, mais ça du coup, fait bien aussi des fois, tu sais, le français à l'étranger. Donc, Maintenant, oui, depuis Gojira, c'est vrai qu'il y a un côté, ou même d'autres trucs genre Justice et tous les trucs d'électro, la French Touch, là, c'est un peu plus vendeur. C'est un truc que je raconte souvent parce que je suis vieux, mais il y a pendant très longtemps, avec Julien notamment, Nuts de Gorod, on... Nous, pour dire que c'était nul, on disait que c'était français, quoi. Mais ça a duré vraiment longtemps, quoi. On voyait des groupes et on disait, oh là, c'est vraiment français, quoi. Ça voulait dire que c'est vraiment de la merde, quoi. Et il y avait... Enfin, faut pas se mentir, les groupes français, ils s'exportent depuis Gojira. Oui. C'est vraiment Gojira qui a ouvert la porte à... Ah, en France, il se passe un truc. Alors, pas il y a un an, mais ne serait-ce qu'à partir de From Mars, qui a déjà 20 ans maintenant. C'est From Mars qui a commencé à intriguer les Ricains sur les groupes français. Et c'est comme ça que les gens se sont mis à écouter Clone, ce genre de choses... à l'étranger, tout en se disant ah, il y a peut-être des trucs bien dans les groupes français en fait quoi. Donc, et maintenant c'est un peu synonyme de qualité parce qu'il y a ce truc un peu personnel ou un peu plus, les groupes français ils ont l'air d'avoir un petit truc à eux, une petite touch un peu spéciale, mais pendant longtemps c'était... J'allais te dire que pour moi sur ces 10-15 dernières années il y a beaucoup de groupes justement qui dans des styles un peu traditionnels qui ont du mal à se renouveler, t'as souvent un groupe français qui vient tu vois un peu légèrement apporter quelque chose de frais, de nouveau, ouais, parce qu'il y a une petite touche, voilà, et de recasser les, envie de sortir un de peu recasser les codes un petit peu. Ouais, bien sûr, ouais. Enfin, je pense notamment on a cette culture-là en France. Ouais. De toute façon, on s'approprie des musiques qui sont pas à nous. Le métal, ça vient pas d'ici. Oui. Et le rock, ça vient pas d'ici. En France, il y a rien de relayé au métal qui vient d'ici, quoi. C'est ce qui fait qu'on est toujours en train de défendre ce truc-là et qu'on a encore les infos du 20h où ils montent Metallica et tout le monde est là, mais c'est oh, Satan, bon bref, les gens comprennent rien avec ça. Et la manière dont on s'empare des musiques anglo-saxonnes en tout cas et qu'on y met un petit truc en plus parce qu'on a envie de cette profondeur un peu française, on va dire, c'est ça qui intrigue beaucoup à l'étranger, effectivement, quoi. Mais même, tu vois, les groupes d'électro, de synthwave, genre tous les Perturbator, Carpenter Brut, tout ça, c'est de la musique qui a déjà été faite un milliard de fois, mais il y a ce petit truc en plus de, ok, ils le font un peu... différemment, un peu, c'est un peu enrichi, et même Despel Omega, tu vois, c'est un très bon étendard de la musique française à l'étranger, et ils font du black metal qui est, c'est pareil, ça vient pas de France, mais ils ont tellement amené quelque chose de ultra barré, ultra spécial que c'est ça rayonne vachement, quoi. Et mais il y a quelques, donc voilà, pendant longtemps, en français, ça voulait dire nul ici, mais ça fait longtemps que c'est fini finalement. Oui, oui, bah, tu vois, bon, aujourd'hui justement, quand on parle de groupe français, j'ai tendance plutôt à mettre en avant le fait que t'as un petit quelque chose. Ouais, tu vois, t'as le petit quelque chose qui vient changer, qui vient casser. Et je trouve que c'est encore plus parlant ces derniers temps, surtout autour de la scène black, tu vois. Ouais, grave. La scène black française, t'as toujours, très respecté. Ouais. Voilà, t'as toujours le groupe qui vient rajouter telle ou telle chose. Tout à l'heure, on parlait d'Alceste. Boteux, si on mettait du shoegaze, ça marche bien. Ouais, Alceste, c'est un bon exemple aussi, effectivement, d'un agglomérat de plein de choses qui ont déjà été faites, mais c'est de plus en plus personnel et c'est immédiatement identifiable maintenant. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Finalement, merci Gojira pour ça aussi. Hein. Oui. Ah, bah, de toute façon. Avoir mis la France sur la carte pour ce club. De toute façon, Gojira, tu peux, ils peuvent être critiqués pour des choses parce que Ils sont exposés. Voilà, donc parce forcément critiqués. Ouais. C'est devenu les Français les plus, le groupe de métal français le plus américain aussi, d'une certaine façon. Ouais, je veux dire, ils font des plus grosses tournées aux États-Unis qu'en France maintenant. Mmh. Mais tu verras les chiffres en décembre quand ils auront terminé leur tournée française. Tu verras que ça sera décevant par rapport aux chiffres qu'ils auront fait sur leur dernière tournée américaine. Bien sûr, il y a un plafond de verre ici pour ça, de toute façon. Quoi qu'il arrive, d'accord. Pour le métal, il y aura toujours. Voilà, mais bon, heureusement qu'ils sont là aussi. Oui, clairement, ils ont fait du bien, ils ont fait du bien à cette scène-là. Ouais. Ouais. Ils ont fait que du bien, évidemment, dans cette scène-là. Oui, et puis plus, communication est propre. Il n'y a pas de frasque, il n'y a pas de... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça, le même line-up depuis le début. C'est ça, ça fait aussi discours, ou quasiment le même discours en tout cas. Ça fait aussi quand même du bien. Oui, bien sûr, bien sûr. De ne pas avoir toujours des groupes où tu te dis oui, bon, s'ils pouvaient se taire, le chanteur. Oui, non, c'est vrai qu'ils ils sont séduisants à plein d'égards. Voilà. C'est vrai. Je rebifurque légèrement. Landmark, toi, tu refonces les voir en live. Si ah, carrément. Carrément. Il n'y a pas de tournée française annoncée ? Pas pour le moment. Mais d'après ce qu'on a pu nous susurrer à l'oreille, ça devrait revenir peut-être l'année prochaine et ça sera des zéniths, quoi. Des zéniths ? Ah ouais. Ah oui, ça naît à ce point-là. Ok. Voilà. C'est okay. Impressionnant. Voilà. Non, mais rien de encore défini. Ouais. Ok. Mais tu vois, même à l'étranger. Surtout un festival, c'est de sous tête d'affiche, mais bon, ça joue quand même à des horaires où tu commences à voir le soleil qui commence à se coucher, donc c'est pas. Ah ouais, putain, si, ok, je suis impressionné. Ils font pas mal de fêtes cet été, ouais. Oui, ah oui, ils sont partout. Bah, tous les fêtes généralistes, ils y sont. Ouais, j'ai vu. C'est. J'ai vu t'as le Garou Rock, pas très loin d'ici. Ouais. Bah écoute, moi, la marque. J'ai écouté ce disque. Écoute. Ça me perturbe beaucoup. Tu vois, je vais te dire, peut-être que nous, on les a vus du coup. Toi, tu les avais déjà vus une fois ou deux avant. Quoi donc ? Landmarks sur scène avant le Hellfest ? Non, parce que première fois en 2022, on est parti manger. Ouais, on les a vus très très loin. C'était en Warzone, en plein milieu de l'après-midi. Ouais. Je les ai vus à ce moment-là. Ouais. C'était ma première fois d'ailleurs. Ouais, mais tu vois, nous, on les a revus l'an dernier. En clôture de journée, tout ça. Oui, j'avais été impressionné aussi par le show, vraiment, c'est hyper carré, c'est énergique, ça s'est relancé la foule au bon moment. Ils sont bien sauf. T'inquiète, que ça soit leur gars du Hellfest ou eux, ou leur promoteur, personne ne se trompe non plus dans. Quand tout le monde voit que ça demande qu'à monter, tout le monde va aussi dessus. Oui, tout est fait pour. C'est normal. C'est une entreprise, comme une autre, à un moment. Il faut réunir tous les bons éléments pour que ça avance. Mais pourquoi pas. En fait, tout dépend du prix du billet. Oui, bon, encore une fois, on est d'accord. Oui, non, mais je pense que. Je pense que c'est mon plus gros problème, c'est que je ne dépasserai pas les 40 euros, tu vois, pour les revoir. Et je pense que dans un zénith, ils seront jamais à 40. Prod au voilà. Zénith, c'est difficile. Ouais. Voilà. Donc, très clairement, il y a de fortes chances que je passe mon tour. Après, c'est pas grave, je pense qu'il y aura une ou deux personnes qui seront prêtes à venir. Je pense qu'il y aura le reste de l'équipe. tu seras pas seul. Ou alors, on ira ensemble pour se reconvaincre encore une fois. Ou alors, on les fera, tu demanderas une accrède. Et voilà. Ça marchera. Bah, écoute. Ouais, j'en ai pas entendu parler pour l'instant. Mais... Ouais. Ça marche. Bah écoute, Mika, on arrive au bout. Heureusement que j'ai dit, on va essayer de faire court. On a pile. Oh là là, on a bien dépassé. Pile. On a bien dépassé. Bon, on va voir comment on va gérer. Bah, je t'avais dit, Lucie. Tu vas pouvoir cuter. Ouais, bah, on va voir ça. En tout cas, merci d'avoir parlé de ce que tu fais avec Noizer, de ton groupe aussi. Avec plaisir. Juste des dates à venir avec Noizer. Il y en a une le 7 juin. À Barinque, c'est entre ouais exact voilà un petit festival qui s'appelle le Beorns Fest. Et normalement non, c'est là, à chaque fois on dit qu'on arrête de jouer pour pouvoir composer, et de temps en temps il y en a une qui se pointe, ah si on jouait, et donc on va, celle-là à mon avis ce sera la dernière avant qu'on puisse refaire un album. Okay. Mais voilà, il y a ça qui est prévu. Okay. Voilà, faut aller écouter Asbert. Mais oui, aller écouter Asbert. Et il faut l'écouter du début à la fin. Il est pas long, en plus il fait 40 minutes je crois, ou 41. C'est facile. Ouais, voilà. Non, les gens ils écoutent bien comme ils veulent ça. Mais ouais, bref, faut aller écouter, c'est bien. Ouais. Voilà. Et puis sinon, si les gens vont faire des dates Noizer, ils te croiseront forcément. Quoi. Oh oui. Oui. De toute façon, je suis à toutes les dates Noizer. Donc oui, on se verra là. Bah, mais écoute, merci à toi. Merci Lucie. Merci pour Lucie. Merci. Ce nouveau canapé métal. Okay. Et est-ce on se re... ceux-là, les canapés métal, ou est-ce que s'ils les changent, ce sera plus canapé métal? Non, on va les garder quand même. Ah, enfin, ouais. on va garder la zone parce qu'on ne peut pas se permettre de changer de locaux si les canapés changent. S'ils changent de canapé, c'est bien quand même. Oui, bah c'est. Ouais, tu sais, le titre était, était pour pousser la table. Ah oui, non, mais ouais. Comme on n'avait pas les coussins. Ouais, voilà. J'ai mal aux fesses. Il est pas ouf. On l'a pas vu venir, mais je confirme, ils sont rudes. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci Nico, merci Lucie. Salut.